vacation. In some stupid little town, a black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants every word. Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 23e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, salut la tribu, c'est la 123e, c'est Vampire Freaks, et l'émission qui, où Spike débarque dans votre salon, c'est la 123e, et je suis ravi de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué, 3 semaines, ça fait pas beaucoup, mais ça fait un peu long quand même. J'espère que vous en avez profité pour écouter les podcasts sur archive.org et compagnie. Enfin, toujours est-il que voilà, je suis de retour, et je pense que je vais aller jusqu'à la fin juin maintenant, aux alentours du 20 juin, pour finir la saison. On commencera tout, donc on va dire que dans cette émission, il y a des nouveautés, il y a du culte, il y a du classique, il y a du vinyle, il y a du live, enfin de tout pour tout le monde. On commencera tout de suite avec We Carry On de Killswitch Engage, et c'est sur l'album Incarnate, sorti le 12 mai 2016. On retrouve Hate by Design, Until the Day et Loyalty. On écoutera ensuite Get Ready en vinyle de Accept, c'est sur l'album Restless and Why, leur 4e album sorti le 2 octobre 1982. On retrouve Fast as a Shark, Demon's Night et Princess of the Dawn, un classique de chez classique. On continuera avec une nouveauté, Falling Bird, c'est une démo de Void de Clermont-Ferrand. C'est extrait d'un EP à paraître, des nouvelles très vite. On continuera avec une curiosité musicale, Antisocial par Anthrax, c'est sur l'album State of Euphoria, leur 4e album sorti le 19 septembre 1988. On retrouve Make Me Love, Now It's Dark et Misery Lace Company. Et on finira ce bloc en live avec Rocking Time de Burning Spears, c'était aussi le titre de cet album sorti en 1974, oui la semaine dernière. On retrouve Foggy Road, All Time Sing et Mamie du son Kilt. Morning breaks from a night away. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. We got a lot of new fans, and we'd like to thank you also for coming also. Time for a little singing out there. You guys feel like doing the vocals? I know we got some singers. God damn, you guys look good, man. Great! Whoa! like yourself, my brother Frank. Worry not yourself, my sisters. So come, let's rock in time. Let's rock in time. Let's rock in time. Oh, keep on rocking time now. Oh, wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Oh, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Rongo, rongo, rongo. You rock, you rock, you rock, you rock. You rock, you rock, you rock, you rock. Let the tip it off your finger. Sound your kettle sound loud and clear. Will hear, all who have eyes will see the coming of the monster, His Majesty, His Majesty. So come, let's rock. So come, let's rock. You're rocking time, a wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo. One young, one young, one young, one young, one young, one young, one young, one young, one young, one young, rock, rock, rock, rock. You rock, you rock, you rock, you rock. You rock, you rock, you rock. Let's rock in time. Let's rock in time. Oh, keep on rocking time. Oh, wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Rock, rock, rock. You rock, you rock, you rock, you rock. You rock, you rock, you rock, you rock. Rastafari. People. Vous êtes bien dans la 123e Bumper Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Carry On de Killswitch Engage, Get Ready en vinyle de Accept, Fallen Bird en démo de Void, Antisocial et en live de Anthrax. Et on a fini ce bloc en live avec Croaking Time de Burning Spears. On continuera cette émission avec Vive ma liberté de Arnaud, c'est sur l'album Idiot Savant sorti le 23 mars 1993. On retrouve Dancing in my, Inside My Head, I Sold My Soul in, on MTV, et Newborn Monkey et les filles du bord de mer. Joie, joie. On écoutera ensuite Freak on a Leash de Korn, c'est sur l'album Follow the Leader, leur troisième album sorti le 18 août 1998. On retrouve It's All. It's On, pardon, All in My Family, Children of the Corn, avec Ice Cube. On écoutera ensuite une nouveauté, Merci pour le hip-hop de Winger Overdose. C'est sur l'album New York Sous-Bois Rapcore Club, qui est sorti le 14 février 2018. On retrouve NYSB Stamped, Captain Cast et le Game de la Merguez. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes légales et digitales. On écoutera ensuite Désespoir de Mascarade, c'est sur l'album J'aime pas Mascarade, sorti le 9 septembre 2013. On retrouve Hip Hop de Rocker, Super Sensas, Groupe de Province, ils font plus rien et c'est bien dommage. Et on finira ce bloc en live avec Eye of the Stranger, c'est de Squinrich, c'est sur l'album Live Evolution, sorti le 25 septembre 2001. On retrouve Walking the Shadow, I Remember Now, I Am I. Et entre autres, c'est un double album, peut-être même triple album, vu qu'il y a plus de 30 titres. On continue, c'est cool. Avec des mots bêtes et artificiels. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. Charentaise et Balto. À 8h du mat pour un ballon rouge au Balto. Et Théo Ball, tiré Géraldine, Françoise et Valoche. Après Bob Picon et trois valets, sa vie c'est moche. Nuque longue et pas les bras, son maillot du neuf, c'est un carte survêt et banane qu'on pense. J'aurais dansé le twerk, j'aurais bougé mes loges. Merci de m'avoir évité ça, merci pour le lead. Le bombe dans la boîte à gants, trois bouts de disco à l'arrière, boule derrière sur le siège avant. Merci pour le hit, bah, t'as pu pas les faire péter, survêt Lacoste. Lève ta paluche en l'air, j'suis du côté du peuple et j'suis dans la langue. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. tête, mâchoire serrée, membre ankylosé, ma mouette. Pas envie de parler, pas envie de dormir. Descente après montée, juste envie de vomir. À trop planer, ça sent le speed à plein nez. Batterie en ligne de mire, ils sont tellement foncés. Qui trouve Guetta bon? Moi je trouve que David Guetta c'est mortel, pas toi. Ils sont tellement friqués que pour eux, ils pisent assez le ghetto. Ils visent à une horreur, encore mieux les soirées qui se tiennent. Ils sont tellement gommés qu'ils voient des dragons. Fuyez, il va cracher des flammes. Ils sont tellement déchirés qu'ils trouvent Guetta bon. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh non. Yeah. Vous êtes toujours dans la 123e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Vive ma liberté de Arnaud et en live, Freak on a Leash de Korn. Merci pour le hip-hop, le nouveau Wigar Overdose. Allez sur la page Facebook de Wigar Overdose, ils sont sur Bandcamp, YouTube, enfin ils sont partout et ils sont excellents. On a écouté ensuite Désespoir de Mascarade et on a fini ce bloc en live avec Eyes of Stranger de Queen Rich. On écoutera ensuite Black Hole, le nouveau Bad to the Bone, c'est sur l'album 13, sorti en octobre 2017. On retrouve Veil of Tears, Ghost of the of Her Past, Back on Track. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes de streaming. On écoutera ensuite Les Shibani de Zebda, c'est sur l'album Comme des Cherokees, sorti le 25 août 2014. On retrouve L'Envie, Les Petits Pas et Appel d'Air. D'ailleurs, Zebda, n'existe plus sous cette forme-là. Maintenant, c'est les Motivés Sound System. Et ils seront à Brive-Charensac, à côté du Puy-en-Velay, au festival Loire-en-Zic, dans 15 jours, 3 semaines. On écoutera ensuite Nothing to Me, de nouveau They Might Be Punk, c'est sur l'album First Cry, enfin, c'est un deux titres en téléchargement, sorti le 1er janvier 2018. Donc on retrouve Nothing to Me et Victoria. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. On continuera ensuite avec un vieux son, un vieux poète comme je les aime bien. Ça s'appelle Who's Been Sleeping Here et c'est du vinyle et le groupe c'est Tough Darts. L'album s'appelle Tough Darts et il est sorti en 1978. On retrouve Rats, Here Come Trouble et Fun City. Bah, eux non plus, ils ont sorti qu'un seul album et c'est bien dommage parce que je l'ai trouvé qu'ils avaient pas mal de talent. On finira ce bloc en live avec Let That Be Tonight de Powerwolf. C'est sur l'album Blessed and Possessed, leur sixième album sorti le 17 juillet 2015. On retrouve Dead Until Dark, Army of the Night et Sacramental Sister, réédité avec 8 titres bonus dernièrement. Ça arrache. I feel just like an astronaut.

Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. You're Vous êtes toujours dans la 123e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans notre salon. On vient de s'écouter Black Hole, le nouveau Bad to the Bone, les Shibani de Zebda, Nothing to Me, le nouveau They Might Be Punk. On a eu ensuite Who's Been Sleeping Here en vinyle de Tough Darts. Et on a fini ce bloc en live avec Let There Be Night de Powerwolf. On continuera cette émission avec une nouveauté. Ouais, dans ce bloc-là, c'est pratiquement que des nouveautés et du bon truc. On écoutera Evening Train to Jodhpur, le nouveau Indian Ghost. C'est sur l'album Monsoon, sorti en avril 2018. On retrouve Burning Gat, Drag On Forever, The Streets of Banaras. Allez sur la page Facebook de Indian Ghost, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes digitales. Ils sont chez Kebra Records. On continuera ensuite avec Sweet Love, le nouveau Nevermind de Car. C'est sur leur EP 6 titres. Enfin, EP2, 6 titres, sorti en mars 2018. On retrouve Sweet Love, Innocent, Elastic, Ghost Crisis, Never Let You Go et Angels Falls. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes de téléchargement. Plateformes légales, quoi. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, My Consuming Grief de Worselder. C'est sur Paradigm Lost, sorti le 25 mai 2017. On retrouve Seeds of Rebellion, Home of the Grave et The Sickening. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes. On continuera avec une rareté, c'est vraiment très rare. C'est Pas de Poudre de Oberkampf. C'est sur l'album PLC, leur premier album 11 titres sorti en 1983. C'est de la bande analogique retrouvée il y a pas longtemps et masterisée dernièrement. Merci à Pat Kebra de nous faire ces jolis cadeaux à rééditer ces vieux Robert Kampf. Sur cet album-là, on retrouve Fais Attention, Pardonnez-moi et N'Observe Plus. Et on finira ce bloc en live avec Absinthe de Gitz. C'est sur l'album Fletching the Bully, sorti en 1992. On retrouve Another Shot of Whiskey, Slaughter of Bros et Second Skin, du culte et du créatif au niveau du grunge de Seattle. We'll be right back.

Vous êtes toujours dans la 123e Vampire Afrique, c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Evening Rain to Jodhpur, le nouveau Indian Ghost, Sweet Love, le nouveau Nevermind the Car, et on a eu ensuite My Consuming Grief, le nouveau Worshelder. Tous ces petits groupes-là, Indian Ghost, Nevermind the Car, Worshelder, faut les faire jouer, les assos, quitte à contacter nous les radios ou les émissions pour avoir les contacts. Faut les faire jouer parce qu'ils sont très bons. On a eu ensuite Pas de Poudre, d'un rare de Oberkampf, et on a fini ce bloc en live avec Absinthe, en live de The Gids. On continuera cette émission avec 10 Seconds to Love en vinyle et en live, s'il vous plaît, de Motley Crue. C'est sur l'album Shoot at the Devil, leur deuxième album sorti le 26 septembre 1983. On retrouve In the Beginning, Looks That Kill et Too Young to Fall, To Fall in Love. On écoutera ensuite Ghost Song de Jim Morrison and the Doors, c'est sur l'album An American Prayer, sorti dans un premier temps en 1971 et réédité en 1991. On retrouve Angels and Sayers, Roadhouse Blues, An American Prayer, texte enregistré seul par Morrison la nuit de son 27e anniversaire, mis en musique plus tard par Ray Manzarek et les Doors. On écoutera ensuite Seed of Hate de Exodus, c'est sur l'album Pleasure of the Flesh, leur deuxième album sorti le 7 octobre 1987. On retrouve Parent, 13 Seconds, Choose Your Weapon. Et on continue ensuite avec Borderline de U-Roy, c'est sur l'album Pray for the People, sorti le 12 octobre 2012. On retrouve Questions, Power of Love et Reason with Jah, un son classique. Et on finira ce bloc en live avec Demonoid Phenomenon de Rob Zombie. C'est sur l'album Hillbilly Deluxe, sorti le 25 août 1998. On retrouve Call of the Zombie, Super Beast, et Dracula.

Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, ça arrache. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques, très bons sons maison. Vampire Freaks, ça arrache. So we know why no segregation from the land. So that only bring war and destruction. This is not the UY upside of my conscience. And then we say, tell them children. God alive. No way. We no have no God alive. Yeah, we don't want none of that round here, y'all. Send them can't fence me round, no, no district. No religious belief, no, no politics. Who will say? We no pay a coffee Babylon policy. No, no, it's no just way, justice. So you don't have no kind of lines, I would say. And you can't face the way. Some say it's time for me to go home. To Africa, we got to go home, y'all. What me say? God alive. So I say I don't run no wire fence, y'all. Hey, no God alive. But I say, the rest of our I don't want no segregation. Yeah, we want some liberation. So me say, Jesus, they come and tell the nation. He said, God alive. We no have no God alive. Why, boy, boy. Then the gaffets be running on a district. No religious belief, no, no politics. We no care for Babylon policy. No segregation. It's just justice and equality. So me say Babylon wall have to crumble. Tell them, Jericho wall would have to crumble. And every devil soldiers, they must be stumble. And the earth will tremble. No division amongst the people. I still see I'm feeling all them move. One cup in my love and peace and harmony. God alive. We no have no God alive. We walk in wild free. Send a girl fence me round none of this trip. No religious belief, none of politics. We no pay a cafe Babylon policy. It's just justice. No kind of line. Yeah, Jaja pick the walk free, y'all. No time. It's up for me to go home. No, not to pick this, no more baby room, y'all. Why, why? For me to go home. Why, Jaja pick me, why, now go home. Why, yeah, yeah. I'm conscious of the glam sound that is white, y'all. Send me walk in the street and the road. Me try to do my east, best not I saw. Me no walk with no fear, me no walk with no doubt. No segregation. The power of the most I cover all about. Wherever I and I journey. Yeah, wherever we have to show we love the people. Rasta angels are around. They have a peace, nothing but peace and love everywhere. Watch that picture, how we live in a love and peace and harmony, and so be humble. Don't lie to yourself, it gave you pleasure. On vient de s'écouter 10 Seconds to Love en vinyle en live de Motley Crue, Ghost Song de Jim Morrison and the Doors, Seeds of Hate de Exodus, Borderline de U-Roy. On a eu ensuite Demonoid Phenomenon, et ben non, finalement c'était pas un live. Cette 123e Bumper Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Bumper Freaks, l'émission radio. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Bumper Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On finira cette émission avec Baby My Heart des Shadow. C'est sur l'album The Shadow Out of the Shadow, sorti en 1962. On retrouve notamment Shadow Guy, Blue Star, The Bandit et Little B, du son culte et même d'anthologie. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Bumper Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Got a baby mama, take it easy and slow. When the teardrops fall, baby, you gotta let me know that you're gonna be my very, very own girl. You got a baby mama, you got a gentle mama. Baby, my heart. baby, my heart. It's that gentleness in me. Is out of want a broken heart. So it's got to be agreed that you're gonna be my very, very own. You've got a baby, my heart. Baby, baby, my heart.